Aujourd'hui, Affaires Sensibles vous propose une série de fictions en 5 épisodes, Suspicion, écrit par François Luciani, réalisé par Cédric Ossir, coordination Christophe Barrère. Aujourd'hui, 4e épisode de la série Suspicion, donc. L'histoire d'un fait divers terrible, celui d'une femme agressée, violée chez elle. Simple agression barbare, non. Non, car la femme en question n'est pas une victime comme les autres. Elle, c'est Maureen Kearney, syndicaliste pour le géant français du nucléaire, Areva. Cette série de fictions tirée d'une histoire bien réelle est une plongée dans les coulisses de la France industrielle, de ses secrets, ses manigances, ses coups bas. Lors de ce 4e épisode intitulé « La manipulation », à la suite de sa garde à vue, Maureen avoue avoir tout inventé. De victime, elle devient donc coupable. Sous la pression des gendarmes, elle signe des aveux. Ce fait divers va connaître un surprenant rebondissement judiciaire qui témoigne sans doute des enjeux et des pressions autour de ce dossier avant qu'enfin la vérité n'éclate au grand jour et que l'honneur de cette femme lui soit rendu. Reste bien sûr le traumatisme. Notre invité aujourd'hui, Hervé Temim, avocat pénaliste. Il a notamment défendu Bernard Tapie, Roman Polanski, Gérard Depardieu et Thierry Herzog dans l'affaire Bismuth. Il vient d'écrire un livre intitulé « Secret défense », édité chez Gallimard et sorti en septembre 2020. C'est lui qui défendra l'honneur de Maureen Kearney. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Suspicion. Une série de François Luciani. D'après la syndicaliste de Caroline Michel Aguirre. Réalisation Cédric Ossir. 4e épisode. La manipulation. Versailles. Gendarmerie nationale. Madame Kearney. Vous dites que vous avez joué un rôle important dans la négociation de contrats avec la Chine. Est-ce exact? Oui. Pouvez-vous nous préciser ce rôle? Disons que je veillais aux intérêts du personnel d'Areva. Mais encore? Cela concernait en particulier des transferts de technologie. Aviez-vous accès à des informations techniques sur ces questions? Oui. Lesquelles? Il s'agissait de questions techniques et d'accords commerciaux. Avez-vous des compétences techniques en matière de physique nucléaire, Madame Kearney? Non. Alors comment pouvez-vous prétendre à juger de contrats d'une telle complexité? Je ne prétends rien. Je veillais à ce que les intérêts des personnels d'Areva ne soient pas menacés. Menacés par qui, Madame? Par certains accords entre EDF et le nucléaire public chinois. Croyez-vous être de taille à affronter toute seule un tel ennemi, même supposé? Non, bien sûr. Mais c'est ma mission. Votre mission? Oui, ma mission. En tant que syndicaliste. Vous vous sentez investie d'une mission, Madame Kearney? Oui. Quel genre de mission? C'est vaste. C'est un ensemble. Un engagement. Le sens de toute une vie, voyez-vous? À quelle date avez-vous consulté un psychiatre pour la dernière fois? Je m'en souviens pas. Vous me prenez pour une folle, c'est ça? Ce sera tout pour l'instant, madame. L'interrogatoire a duré plus de 10 heures. Toujours les mêmes questions, répétées inlassablement, et toujours les mêmes réponses. Lorsque j'allais aux toilettes, la porte devait rester ouverte et un garde m'observait. Le capitaine Philippi et la lieutenant Charrier se sont relayés. Jusqu'au moment où j'ai senti mes forces me lâcher. Il était 18h20. Madame Kearney, à la suite des examens médicaux effectués, vous ne présentez aucune lésion vaginale. Souffrez-vous encore aujourd'hui? Non, madame. Concernant le fameux A, prétendument scarifié sur votre ventre, il a complètement disparu, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Les croûtes sont tombées. Il apparaît, selon le médecin qui vous a ausculté, qu'il aurait fallu déplisser la peau ou même s'allonger pour dessiner ce A de manière aussi impeccable. Or, aucune empreinte, ni aucun ADN d'un tiers extérieur n'ont été trouvés. Avez-vous une explication à cela ? Je vous assure. Je me souviens plus. Quant aux menottes en scotch, nous n'y croyons pas, madame. Je dis la vérité, mais je me souviens plus très bien. C'est comme un blanc dans ma tête. Concernant les pouvoirs que vous dites avoir au sein de votre entreprise, Areva, Anne Lauvergeon, ancienne présidente d'Areva, et Luc Oursel, actuel PDG d'Areva, ont été interrogés. Ils confirment l'un comme l'autre que vous n'avez aucun autre pouvoir que celui qui est habituellement réservé aux militants syndicaux. Rien de plus. C'est normal, en effet. Vous prétendez que votre agression serait commanditée par une officine en vue de vous faire taire. Une sorte de cabinet noir. Vous pouvez nous en dire plus à propos de ce cabinet noir, comme vous dites ? Je n'ai aucune information à ce sujet. Mais vous croyez à l'existence d'un cabinet noir, n'est-ce pas ? Dans le nucléaire, tout est possible. Si vous n'avez aucune influence sur les contrats commerciaux d'Areva, ce qui semble logique vu leur degré de complexité, pourquoi s'en prendre à vous ? Je vous dis que je sais pas, monsieur. Je reprends la question. Si vous n'avez aucun pouvoir au sein de votre entreprise, quel serait alors le mobile de votre agresseur ? Je sais pas. Vous ne savez pas ? Non. Je sais pas. Vous ne savez toujours pas ? Non. Vous mentez, madame. Je vous conseille d'avouer. C'est dans votre intérêt. Mais avouez quoi ? Avouez que vous avez tout inventé. Que tout cela, c'est le fruit de l'imagination d'un cerveau malade. Avouez-le, une bonne fois pour toutes. Mais je vous ai dit la vérité. Nous avons perdu assez de temps avec vous, madame. Vous croyez que nous n'avons que cela à faire ? Je sais plus. Je sais pas. Je vous demande pardon. Pardon. Pardon. Vous refusez d'avouer la vérité ? Très bien. Nous vous avons informé des peines que vous encourez. Mais qu'est-ce qui va se passer ? J'ai rien fait, j'ai pas menti, j'ai jamais menti. Jamais de ma vie. Je transfère votre dossier au procureur et la justice suivra son cours. Vous étiez prévenu. Vous risquez la prison ferme. Attendez. Qu'avez-vous à ajouter, madame Kearney ? Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû délirer, J'ai dû imaginer mon agression. Je me rappelle pas comment j'ai préparé tout ça. Pourquoi avoir fait ça ? J'ai dû péter les plombs, j'ai dû déprimer. Vous reconnaissez que vous avez simulé votre agression ? Oui. Vous êtes sûre ? Je comprends pas comment j'ai pu imaginer de telles choses. Donc, vous reconnaissez avoir commis le délit de dénonciation de crime imaginaire ? Oui. Délit imaginaire. C'est ça. Imaginaire. Très bien, madame. Nous avons pris note de vos aveux. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Gilles, t'es là ? Je veux parler à Gilles Hugo, mon mari. Vous m'entendez ? Je veux parler à mon mari. Je veux parler à mon avocat. C'est bon, j'ai informé le procureur. Elle a signé ? Ouais. Le procès-verbal est valable ? Elle peut toujours se rétracter. Deux heures plus tard, le procureur Vincent Lesclous se rendait au bureau de la gendarmerie de Versailles en présence de mon avocat, maître Olivier Fontibus. Il est 20h45. Cela fait maintenant 12 heures que je suis entre les mains des gendarmes. Monsieur le procureur, Je vous demande de constater l'état psychologique de ma cliente après 12 heures d'interrogatoire. Elle est littéralement épuisée. Madame Cornet, vous m'entendez ? Laissez-moi. C'est pas moi qui l'ai fait. Madame, je crois que vous n'êtes pas dans votre état normal. C'est pas moi qui l'ai fait. Je vous invite à solliciter l'aide psychologique prévue dans de telles situations et... Vous voulez m'interner ? C'est ça ? Non, madame, il s'agit surtout de vous protéger. J'ai pas besoin de votre protection. Et de protéger aussi la valeur de vos déclarations. Des aveux recueillis dans de telles conditions ne sont pas conformes à la procédure, monsieur le procureur. Je n'en disconviens pas, en effet. Maître, je vous donne une semaine pour rédiger des aveux circonstanciés. Merci, monsieur le procureur. Il était 22h quand Gilles est venu me chercher. Nous sommes rentrés à la maison. J'avais une semaine devant moi pour rédiger les aveux d'un crime que je n'avais pas commis. Mais ils ont tout déformé. J'aurais jamais dû leur dire ce que j'ai dit. Bon, je vais retourner les voir et demander à modifier mes déclarations. C'est trop tard, Gilles. Fallait y penser avant. Je peux quand même essayer, non ? J'irai demain matin, à la première heure. Tu leur as fait confiance, voilà le résultat. Si tu m'avais cru. Mais je te crois, Maureen. Enfin, voyons. Un coup monté ? Mais par qui ? Anne Lauvergeon ? Avait-elle à ce point besoin de moi ? Elle, la scientifique, l'habituée des hautes sphères, l'amie de François Mitterrand, et moi ? Une simple prof d'anglais devenue déléguée CFDT. Je suis restée des heures devant mon téléphone, sans avoir le courage de l'appeler. J'aurais pu lui poser la question franchement. Anne, avez-vous comploté contre Luc Courcel en utilisant ma position de déléguée syndicale ? Ou encore, Anne, avez-vous utilisé certaines de mes faiblesses, dont je vous ai confié parfois dans l'intimité certains contours, pour obtenir des renseignements sur l'état d'esprit du personnel et utiliser ensuite ces informations contre Luc Courcel ? Et même, Anne, suis-je vraiment une personne de confiance selon vous ? Tout cela était ridicule, impossible. J'ai gardé pour moi ce doute, toutes ces pensées dégradantes. Et j'ai préféré garder le souvenir, à tort ou à raison, d'une relation sincère. Voulait-il me faire peur, me détruire, me casser ? Allô, qui est à l'appareil ? Bonjour Anne, comment allez-vous ? Ah, c'est vous Maureen, pas trop choquée avec tout ce qui arrive ? Non, ça va, je refais surface, que voulez-vous ? On aura tout vu, hein. J'ai même lu dans la presse que certains pensent que je vous aurais demandé de faire le sacrifice de votre corps pour satisfaire mon désir de reconquête. C'est incroyable, non ? Oui. Je peux faire quelque chose pour vous, Maureen ? C'est-à-dire ? Vous savez, je suis très occupée en ce moment, il ne faut pas m'en vouloir si je suis difficile à jouer. Ne vous inquiétez pas, je vous en veux pas. Je sens de la tristesse dans votre voix. Quelque chose ne va pas, Maureen ? Non, tout va bien, rassurez-vous. Il ne faut pas croire ce qu'on dit. Tout cela, ce ne sont que des ragots. Du vent, rien que du vent. Oui, vous avez raison. Rien que du vent et des mensonges aussi. Rien que des mensonges, n'est-ce pas ? Oui, des mensonges, vous avez raison. C'est fou, ce qu'on peut mentir en ce moment. Que voulez-vous dire ? Rien. Rien de spécial. Pardonnez-moi Maureen, mais là je suis un peu pressée. Je vous rappellerai ? D'accord. Au revoir Maureen. Au revoir. On ne s'était pas dit grand-chose. Mais cela m'avait suffi. J'avais compris que je devrais me débrouiller seule, sans compter ni sur elle, ni sur personne. J'ai mis quelques nuits d'insomnie à prendre ma décision. Il pouvait toujours attendre. Jamais je n'accepterai. Regarde. Qu'est-ce que c'est ? L'affaire est classée sans suite. Pardon ? Ça vient du parquet du procureur. C'est l'avis de classement. Moi, j'y crois pas. Pour les faits de viol sur majeur, séquestration, prise d'otage, l'examen de la procédure ne justifie pas de poursuite pénale au motif de... Les faits dont vous vous êtes plaint ne sont pas punis par la loi. Les faits ne sont pas punis par la loi. Enfin, c'est impossible. Vous pouvez décider de contester cette décision de classement en adressant un courrier motivé et accompagné du présent avis au procureur général près la cour d'appel. C'est dingue, non ? Oh, c'est complètement dingue. Complètement dingue. Le 5 février 2013, la procédure initiale ouverte pour viol et acte de barbarie était classée sans suite pour absence d'infraction. Ce même jour, une information judiciaire était ouverte contre moi pour dénonciation mensongère d'un crime ou d'un délit. De victime aux yeux de la justice, j'étais désormais devenue la principale suspecte. Tu es sûre de toi ? Absolument. Très bien. Alors, il faut prévenir ton avocat. Je l'appellerai demain matin. Tu sais ce que ça veut dire ? J'assume. Dans ces conditions... Comment veux-tu que je mette par écrit une telle saleté ? Jamais je le ferai. Tu m'entends ? Jamais. J'ai toujours dit la même chose, la vérité. Le problème, c'est que c'est sa parole contre la nôtre. Et alors ? Si elle ne signe pas, on n'a pas de preuves. Comment vous pouvez encore la croire après tout ce temps passé à écouter ses délires ? Et si elle disait la vérité ? Impossible, ça sonne trop faux. J'espère que vous vous trompez pas. Je vous rappelle qu'on est deux. On est allé un peu trop vite, vous croyez pas ? Vous avez la trouille ? Non, mais sans preuve. C'est le risque. Et si elle avait raison ? Parole contre parole. On verra bien qui aura le dernier mot. Versailles, cabinet de maître Olivier Fontibus. Madame Curnet, le délai qui vous a été accordé touche à sa fin. Vous me dites que vous souhaitez vous rétracter de vos aveux. Oui. Vous mesurez, j'imagine, les conséquences de votre décision. Oui. Si vous persistez, vous serez vraisemblablement mis en examen dans les jours qui viennent. Suspecté de dénonciation de délits imaginaires. Je le sais. Cela signifie la perspective d'un procès où vous serez dans la position non plus de la victime, mais celle de l'accusé. Oui. Un procès où, comme vous le savez, vous encourez une peine de 6 mois de prison ferme et 6 000 euros d'amende. Ce n'est pas rien. Je le sais. Il faut vous attendre à tout, madame. Tous les moyens seront bons pour faire apparaître votre culpabilité. Je n'ai rien à me reprocher. Votre passé ? Votre santé est fragile ? La dépression ? Je n'ai honte de rien. Tout sera mis au grand jour. Dites-vous bien que cela sera une épreuve. Je suis habituée au combat, monsieur. Il y aura nécessairement des dommages collatéraux. Votre famille... Ma famille me soutient, monsieur. Votre personnalité... J'assume ce risque, en effet. Très bien. Je fais donc le nécessaire. Vous avez quelque chose à ajouter ? Oui. Je vous écoute. Je vous sens hésitant, maître. Pensez-vous que je devrais renoncer ? Disons que je vous mets en garde, c'est tout. Selon vous, il serait plus prudent d'avouer devant la justice un crime que je n'ai pas commis ? Ce que j'essaie de vous dire, madame, c'est que parfois, dans certaines circonstances, il est bon de mesurer les risques, de faire les bons compromis. Qu'est-ce qu'un bon compromis, selon vous ? Il faut savoir se taire, voyez-vous. Mentir par omission. La justice n'est pas une sainte. Elle permet parfois certains écarts. Vous me demandez de reconnaître devant la justice que je suis une folle ? Par peur d'une peine de prison ? Je veux vous dire qu'il est parfois préférable de contourner les obstacles plutôt que de les aborder frontalement. Je ne suis pas du genre à faire des politesses, monsieur, sachez-le. Ni des zigzags avec mon honneur. Je préférerais 1000 fois finir mes jours en prison plutôt que d'avouer une telle saloperie. Voilà ce que j'appelle, moi, monsieur, un bon compromis. Comme vous voudrez. Je vous aurais prévenu. Le procès a eu lieu le 15 mai 2017, un peu plus de 5 ans après mon agression. Sur le conseil de mon premier avocat, maître Thibault de Montbrial, aucune plainte simple n'avait été déposée à la suite de l'agression. Cela m'a été reproché. Ils n'ont reculé devant rien. Aucune honte, aucune bassesse. Sur le banc des accusés, j'étais une mythomane, une syndicaliste bidon, une dépressive chronique qui avait osé braver la justice, une moins que rien. La présidente du tribunal de grande instance de Versailles était une femme, ce qui lui a permis d'aller encore plus loin, sans aucune pudeur, sur les questions intimes. Versailles, tribunal de grande instance. Madame Carnet, selon les experts psychiatres, vous avez une tendance dépressive, n'est-ce pas ? C'était il y a très longtemps. Je suis comme tout le monde, des hauts, des bas. Vous avez reconnu avoir aussi consommé du cannabis ? C'était au siècle dernier, les années 70. Quand j'étais jeune, à l'époque, c'était la mode chez les étudiants. Je n'étais pas la seule. Selon les experts, vous étiez sous antidépresseur au moment des faits. Comme beaucoup d'entre nous. Le traitement vous provoque-t-il des rêves ? Des hallucinations ? Non, pas à ma connaissance. Au moment du viol supposé, vous dites que votre agresseur a baissé votre collant. Oui. Ça n'est pas très logique, vous ne trouvez pas ? Je sais pas. Il aurait été plus simple de le déchirer, votre collant. Surtout si votre agresseur avait un couteau dans la main. Je sais pas. Vous ne portiez pas de culotte, Madame Carnet ? Je me souviens pas. Vous avouerez que c'est un peu curieux. Une femme normale porte toujours une culotte, non ? Je sais pas. Je ne sais pas, je ne me souviens pas, j'ai perdu la mémoire. Tout cela est un peu facile, vous ne trouvez pas ? Je sais pas. Je sais plus, madame. Viol, vagin, couteau. J'étais tétanisée, ailleurs. Tous ces mots sales me renvoyaient au souvenir de ce 17 mars 1976. Un jour affreux, sur la route de Rogne, 40 ans plus tôt, en Provence. J'avais tout juste 20 ans. C'était glauque. Madame Carnet, vous portiez une culotte, oui ou non ? Je ne me souviens pas. Très bien. Je note que vous ne vous souvenez pas si vous portiez une culotte. Ce jour-là, ils n'ont eu aucune honte. Ils m'ont humiliée sans faire de détails. Pour eux, je ne valais rien. J'avais tellement peur que les mots restaient collés au fond de ma gorge. En conséquence, attendu que l'analyse des déclarations de la prévenue, confrontée au prisme des constatations matérielles et médicales, caractérise un faisceau d'éléments convergents établissant le caractère imaginaire et mensonger de l'agression, d'autant plus qu'ils ne sont combattus ni démentis par aucun élément objectif probant, ce faisceau d'éléments étant lui-même renforcé par les aveux de la prévenue, eux-mêmes renforcés par le défaut de contestation du classement sans suite, par ces motifs, condamne Maureen Carnet, épouse Hugo, coupable des faits qui lui sont reprochés. Condamne Maureen Carnet, épouse Hugo, à un emprisonnement délictuel de 5 mois. Dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de la peine. Condamne Maureen Carnet, épouse Hugo, au paiement d'une amende de 5000 euros. La prison. Victime. Coupable. Puni. Coupable d'avoir osé résister. 5 mois avec sursis. Serais-je assez forte pour accepter la honte ? Le déshonneur. C'était le début de l'été. Nous étions le 6 juillet 2017. Ce matin-là, quand j'ai ouvert le courrier, il y avait un peu de soleil dans la cuisine. Je regardais dehors. Tout était calme. Condamne Maureen Kearney, épouse Hugo, coupable des faits qui lui sont reprochés. J'ai fait quelques pas, pieds nus, dans l'herbe humide de la rosée du matin. Un seul désir, partir, tout oublier, les abandonner, tous, et ne plus entendre parler de rien. Suspicion, une série de François Luciani, d'après La syndicaliste, de Caroline Michel Aguirre. Avec Marilyn Canto, Charlie Nelson, Claire Dumas, Robinson Stévenin, Johanna Nizar, Anne Deleuze, Antoine Doignon, Jean-Claude Bonifay et la voix de Stéphanie Pasquet. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel, Éric Villenfin. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Cédric Ossir. Affaires sensibles, sur France Inter. If it weren't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so wise beyond your years, I would have been able to control myself. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if it weren't for me, you would never have amounted to very much. Fast forward to a few years later. Affaires sensibles, la fiction. L'étude réelle du dossier démontrait qu'en fait, il était plein de vide, il était plein de zones d'incompréhension, de doute. Contrairement à ce qui avait été affirmé, on ne pouvait pas dire avec certitude qu'il n'y avait pas d'ADN. Les recherches n'avaient pas été complètes. Il y avait des erreurs manifestes. Est-ce volontaire ? Je n'ai pas de preuves qui me permettent de vous dire que c'est volontaire, non. Mais en revanche, oui, je crois qu'il y a eu une conviction très forte appuyée sur des éléments qui étaient insuffisants. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Suspicion, épisode 4, la manipulation. Notre invité Hervé Temim, avocat pénaliste, qui a défendu notamment Bernard Tapie, Roman Polanski ou Gérard Depardieu, il vient d'écrire le livre Secret Défense, édité chez Gallimard, et c'est lui qui a défendu Maureen Kearney. Bonjour Hervé Temim. Bonjour. Nous reviendrons sur cette archive que nous venons d'écouter, mais continuons les présentations. Vous êtes avocat pénaliste, vous avez notamment défendu des personnalités très célèbres et parfois très controversées. Je pense à Bernard Tapie, Roman Polanski, Gérard Depardieu, Thierry Herzog dans l'affaire Bismuth, et vous venez d'écrire un livre intitulé « Secret Défense », édité chez Gallimard et sorti en septembre dernier. Mais aujourd'hui, nous allons évoquer le procès de Maureen Kearney en 2018. Vous l'avez défendu dans notre série intitulée « Suspicion », nous venons d'écouter l'épisode 4, intitulé « La manipulation ». Effectivement, à la suite de sa garde à vue, Maureen avoue avoir tout inventé. Sous la pression des gendarmes, elle signe des aveux, elle est condamnée à 5 mois de prison avec sursis et 5 000 € d'amende pour dénonciation mensongère. Et c'est à ce moment-là que vous arrivez. Pourquoi décidez-vous de reprendre cette affaire ? Comment êtes-vous contacté ? Alors, elle me demande de la recevoir après qu'un ami commun nous ait mis en contact. Elle est recommandée par quelqu'un que j'aime beaucoup, dont je peux pas vous dire le nom, justement, à cause des raisons qui m'ont poussé à écrire ce livre. Mais disons qu'elle est très bien recommandée. Et je la reçois. Et j'ai beau avoir maintenant certain âge, être par définition assez sceptique par rapport à ce que peuvent me dire les gens que je reçois pour la première fois, parce que je crois que c'est une nécessité pour pouvoir ensuite bien les défendre, je la crois. Et pourquoi vous la croyez, elle ? Eh bien, parce que il y a des choses qui s'expliquent peu. Elle vient en présence de son mari. Son mari est mal. Parce que je connais pas un mot de son dossier, hein, mais il m'avoue tout de suite qu'il a fait des déclarations dans le cadre de l'enquête qui ont été retenues contre sa femme. Je la sens brisée, je la sens meurtrie, je la sens surprise aussi par la manière dont les choses se sont passées devant le tribunal. Et je la crois et j'ai envie de la défendre. On n'a pas grand-chose à gagner. Mais j'ai envie de la défendre, vraiment. Et puis va commencer le vrai travail, c'est-à-dire l'étude du dossier. Alors, est-ce que, justement, quand vous étudiez le dossier, vous vous dites c'est un dossier intéressant, parce que voilà une femme qui se bat quand même contre des institutions puissantes. Est-ce que ce combat du pot de terre contre le pot de fer, pour un avocat, c'est d'emblée motivant ? Bien sûr, c'est évidemment pas une réponse pas très surprenante que je vous fais, mais il y a évidemment ça. On pourrait dire aussi, ah ben non, c'est compliqué. Non, pas du tout. Non, bien sûr, ça me plaît beaucoup, d'autant plus que dans ce qu'elle m'explique de son combat, je sens quelque chose et quelqu'un d'à la fois passionné, mais pas du tout délirant, pas du tout dans ce qu'on a essayé un peu de faire d'elle, une femme ayant perdu un peu à la fois son équilibre et peut-être certains repères. Je la trouve vraiment attachante, je la trouve convaincue, je la trouve aussi inquiète d'avoir mené ce combat, se posant des questions sur la pertinence de son combat. Est-ce qu'elle a eu raison ou pas ? Est-ce qu'elle s'est pas mise en danger ? Est-ce que ça en valait la peine ? Est-ce qu'elle pouvait arriver à quelque chose ? Enfin, pleine de doutes, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, vous savez, on a conservé une relation assez distante, parce qu'il n'y a pas de familiarité entre nous, mais je pense qu'elle le sait. C'est quelqu'un que que j'ai tout de suite beaucoup aimé. J'ai trouvé vraiment extrêmement touchant. Ensuite, elle est venue travailler son dossier avec une de ses amies. C'était vraiment des femmes adorables, presque d'ailleurs d'un autre temps. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu pendant tous les moments que j'ai passé avec elle, j'ai eu la croyance, et ça compte, vous savez, non pas que la vérité soit ce qu'on recherche, mais la croyance forte qu'elle était sincère. Qu'est-ce que vous m'avez dit là ? C'est pas que la vérité, c'est ce qu'on recherche ? Non, parce que les avocats cherchent pas la vérité. Non, mais les avocats ne cherchent pas la vérité, c'est quelque chose. Mais ça compte néanmoins beaucoup, c'est compliqué. Hein. Ça mériterait là plus que 5 épisodes. Mais voilà, j'ai cru en elle, mais je ne veux pas vous dire que sa défense a été un chemin tranquille, parce que ça n'a pas été le cas. Car quand nous avons étudié le dossier, succédait à un avocat qui n'avait absolument pas démérité, qui est Thibault de Montbrial, qui est un avocat qui avait beaucoup travaillé, qui était totalement convaincu de son innocence. Mais je vais vous dire quelque chose qui, là encore, va vous surprendre, peut-être trop convaincu de son innocence. Non, je comprends, ça me surprend pas, je comprends. Trop convaincu de son innocence, je l'ai eu au téléphone, il a parfaitement collaboré avec moi dans un esprit d'entente excellent. Il n'avait pas vu le danger. En fait, vous me dites que le doute pour un avocat, c'est un moteur, quoi. Je pense que le doute est un moteur, et surtout, ce qui est un moteur, c'est de ne pas considérer que la tâche est facile, de ne pas croire que la victoire est certaine. Enfin, on croit jamais que la victoire est certaine. Mais de ne même pas se poser la question. Il faut vouloir gagner coûte que coûte. Enfin, quand je dis coûte que coûte, c'est avec des moyens, évidemment, dignes de ce nom et de notre métier, mais... Moi, pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai vécu ça une fois dans ma vie. Grâce au ciel, j'ai pu gagner en appel pour un accusé devant la cour d'assises, un des premiers à quitter en appel. J'ai très mal défendu, je dis pas que Thibault de Montréal a mal défendu Maureen, mais j'ai très mal défendu un accusé parce que j'étais trop convaincu de son innocence. Je voyais pas, c'était pour moi le résultat auquel je devais parvenir, c'est-à-dire la démonstration que je devais faire était un postulat. Et donc j'avais nécessairement perdu, puisque je considérais que là où je devais aller, j'y étais. Non, j'y étais pas justement. Il fallait que je fasse toute la route. Alors, il y a quelque chose de toujours troublant, c'est tellement, tellement fréquent, ces fameux aveux, je dis pas extorqués, mais ces fameux aveux livrés sous la pression, l'intimidation de la machine policière. Est-ce qu'on va en sortir de ça un jour ? Je trouve que c'est quand même très, très, très préoccupant. Écoutez, je pense que, vous avez tout à fait raison, c'est très préoccupant. Vous savez que notre système judiciaire, pendant longtemps, a été perçu comme vivant sous la religion de l'aveu. Nous n'en sommes plus là. Et je reparle parce que Maureen qui a incarné, bien sûr, Nous n'en sommes plus là pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a quand même l'évolution des preuves scientifiques qui a beaucoup changé la donne, et puis surtout parce que les avocats sont présents pendant les gardes à vue, et donc avec des pouvoirs très limités, mais qui rendent cette pression quand même très difficile à exercer, en tous les cas pendant que l'avocat est là. L'avocat n'est là que pendant les auditions. Ça veut dire qu'entre les auditions, il peut y avoir des pressions que l'avocat ne voit pas, mais c'est moins fréquent. Et dans le cas de Maureen, ce sont des pressions extrêmement complexes. Ce sont des pressions contre lesquelles son avocat, qui n'était pas Thibault de Montbrial, n'a manifestement pas résisté. Son avocat était convaincu de sa culpabilité. C'est triste à dire, mais bien sûr. Vous savez, là, oui, parce que, en tout cas, c'est le sentiment très fort que j'ai. Pas Montbrial, non l'autre. Non, pas du tout Thibault de Montbrial, non l'autre. Oui. Il a eu un premier avocat pendant sa garde à vue, et pendant les premiers temps de l'enquête. Ce sont des semi-aveux. Ce sont des aveux qui ne nous... C'est pas ça qui me préoccupait le plus dans son dossier, parce que ce sont des aveux extrêmement curieux. Car ce sont tellement des aveux qui ne ressemblent pas à des aveux que d'abord le procureur de la République de Versailles se déplace en personne pour recueillir ses déclarations, ce qui est quand même... pratiquement inhabituel, mais totalement inhabituel, pratiquement jamais vu. Et ensuite, parce que attention, c'est bien ça qui fait qu'il y a des erreurs judiciaires, c'est que c'est pas la malhonnêteté, c'est qui fait l'erreur judiciaire. Le procureur était pas malhonnête, les gendarmes non plus, ils étaient profondément incompétents, en tout cas les gendarmes, pas le procureur. Le procureur fait quelque chose que là aussi j'ai jamais vu. C'est-à-dire, il demande à Maureen Carnet de lui confirmer par écrit ses aveux. C'est-à-dire que lui-même doute. Il doute des aveux. Oui. Et Maureen Carnet va avoir le tort de ne pas, immédiatement sorti de la garde à vue, écrire au procureur pour lui dire « j'ai menti, je ne suis pas coupable ». Oui, mais ce ne sont pas des aveux véritables. D'accord. Ce ne sont pas des aveux véritables. On va se retrouver dans 3 minutes, Hervé Thévim. À tout de suite. Vous êtes dit, oulala, EDF, Areva. Vous voyez la question, c'est des monstres. Ouais. Alors, ils sont forts. Alors, je vous savais, pas du tout. D'abord parce que, à tort ou à raison, on me donne l'étiquette d'avocat des puissants. Oui, et donc, vrai. Si vous voulez. Vous en parlez dans le livre. En me moquant de moi-même en tous les cas, et je mérite bien qu'on le fasse. Alors, autant le faire moi-même. Mais. Cette puissance-là ne m'inquiète pas du tout dans le cadre d'une procédure judiciaire et encore moins devant la cour d'appel. Non, pas du tout. Ça, si vous voulez, c'est pas quelque chose qui est entré en ligne de compte, même si je pense que pour Maureen, mais elle connaît pas les arcanes de la justice, c'est normal. Oui. C'était quelque chose qui l'effrayait, probablement. Elle pouvait même imaginer, elle me l'a pas dit en ces termes, que il y avait peut-être une pression, une main invisible qui avait pu peser sur le sort de la justice, sur le cours de la justice. Non, pas du tout. Ce qui va m'inquiéter, c'est autre chose, je vous le dis comme je le lui ai. Non, parce qu'il faut qu'on protège les gens qu'on défend, mais enfin, comme elle a peut-être pu le ressentir. Non, ce qui va m'inquiéter, c'est que l'étude du dossier, dans un premier temps, il aura vraiment fallu qu'on fouille, elle n'est pas facile. Parce qu'en fait, et c'est là où je vous disais que probablement Maureen et que je crois profondément innocente et son avocat ont été trop sûrs, trop confiants. Vous n'imaginez pas, quand vous êtes innocente, la justice peut vous condamner. Et c'est qu'en fait, le dossier a été construit à charge, mais terriblement à charge. Ouais. Et qu'alors que Maureen espérait ne même pas être jugée avoir un non-lieu, c'était déraisonnable quand on lisait le dossier. Est-ce que justement, il était tellement à charge que ça devenait pour vous un élément positif. C'est tellement ça se voit comme le nez au milieu de la figure, que c'est complètement à charge. Donc l'avocat peut peut-être s'appuyer là-dessus. Alors, je ne sais pas. Je ne suis pas avocat. Ben oui, mais vous pourriez l'être parce que ça c'est une parfaite rhétorique d'avocat. Ah. Mais oui, c'est exact. C'est une parfaite rhétorique d'avocat. C'est souvent des choses que nous utilisons qui peuvent nous servir. Mais là non, on a eu mieux. Parce que ce que vous dites est vrai, mais c'est souvent malheureusement insuffisant. Ça nous motive, mais c'est insuffisant. Non, ce qu'on a trouvé est beaucoup mieux. C'est-à-dire que j'ai eu, grâce à un collaborateur formidable, dont c'était la première affaire, qui s'appelle Balthazar Lévy, mais c'est un fils d'avocat, de fils de Thierry Lévy, qui avait une grande culture judiciaire, connaissait les dossiers. On a trouvé des choses absolument incroyables. C'est-à-dire que non seulement le dossier était monté à charge, mais avec des erreurs, des contre-vérités manifestes qui étaient gravissimes, si vous voulez, gravissimes, et que le tribunal n'avait pas corrigé. Voilà, donc on a, si vous voulez, je le dis sans prétention, on a dépiauté ce dossier. on en a tiré la vérité des charges recueillies et devant la cour d'appel, on a pu réussir à inverser la tendance parce que, par exemple, ce qui est quand même incroyable, tout le monde avait retenu comme charge accablante le fait que sur le scotch qu'il avait enserré, dont elle, alors qu'elle disait qu'elle n'avait pas pu se défaire de ses liens, eh bien, on avait trouvé de l'ADN de Maureen. D'abord, c'était pas de l'ADN de Maureen qu'on avait trouvé. Après, c'est tricoté elle-même. Voilà, c'était ça. C'était des traces papillaires et on les avait pas retrouvées sur le scotch. Il y avait une erreur dans la numérotation du scellé qui était visé que nous avons pu démontrer très facilement. On avait retrouvé des traces papillaires de Maureen sur les objets qu'elle utilisait tous les jours sur une table. C'est comme si je sors de votre interview et qu'on trouve mes traces papillaires de... Ah oui, la belle affaire. Mais jamais d'ADN sur le scotch qu'il avait enserré. Jamais de traces papillaires. Et ça, c'était la preuve qu'elle avait menti. C'est un truc de fou. Plus un nombre d'insuffisances, il nous faudrait une heure pour les... Donc, si vous voulez, voilà, il y avait des éléments de doute pour parce que j'ai écouté mon archive et je serais assez critique, j'étais vraiment à minima dans ce que je disais. Il y avait des éléments de doute, mais très fort, très très fort, quasiment accablant. Et en plus, on est tombé sur une cour d'appel qui était impartiale et ouverte. Parce que je peux vous dire qu'on a écouté le rapport du conseiller, c'est comme ça que ça se passe à la cour d'appel, il y a toujours le rapport d'un des trois magistrats. Bah, il reprenait le dossier, mais sans avoir fait l'étude qu'on avait faite. On avait communiqué nos conclusions, tout y était, mais ça n'avait pas été lu, encore. Donc on a un rapport qui est encore un rapport totalement à charge. Oui, si vous reprenez le combat quasiment au début. On le reprend au début avec, si vous voulez, une espèce de dossier qui est présenté comme accablant contre nous. Mais ils ont écouté. Ils ont écouté. Et, bah, la preuve, oui. Et je dois dire que ils ont rendu un arrêt qui nous est très favorable et qui est un arrêt parfaitement honnête intellectuellement en plus. Voilà comment ça s'est passé. Alors la question générée par votre réponse, c'est enfin mais pourquoi à charge? Pourquoi autant à charge? On n'imagine pas qu'il y ait une volonté de complot de la part de la justice, évidemment. Non. Mais pourquoi il y a un échafaudage de charges comme ça? Alors, je crois que les gens qui se sont penchés sur ce dossier, procureur, gendarme, tribunal, d'abord n'ont pas suffisamment travaillé. C'est terrible à dire, mais c'est vrai. Ont été induits en erreur par des erreurs de l'enquête vraiment incroyables, comme celles que je vous ai indiquées. Ont eu un prisme totalement déformé, d'ailleurs scandaleux, qui consistait à reprocher, par exemple, comme une preuve, une supposée fragilité psychologique de Maureen Kearney, ce qui est absolument insupportable, d'autant plus que c'était totalement faux. Et puis, je pense qu'elle a payé une chose. C'est que, au départ, quand elle dépose plainte, il y a des moyens extravagants qui sont utilisés dans l'enquête. Lesquels ? Le GIGN, une protection permanente de sa part avec un hélicoptère au-dessus de sa maison. Pire que pour arrêter Jacques Mesrine. Voilà. Et des moyens très grands qui sont fournis avec en plus, non pas une intervention politique au sens intervention dans le but d'eux, mais une pression politique. Arnaud Montebourg qui appelle le procureur pour lui dire à quel point il faut que l'enquête soit rapide et importante. Et puis, à un moment donné, pour des raisons qui sont des raisons mauvaises, liées justement à une enquête mal faite, avec des éléments qu'on a cru décisifs et qui ne l'étaient pas. On a retourné... le procureur s'est considéré comme ayant été totalement grugé. Et il s'est dit, mais c'est pas possible que j'ai pu moi-même engager autant d'énergie, autant de moyens dans cette enquête alors qu'elle nous a menés en bateau. Et en réalité, il n'y a pas eu suffisamment de capacité d'autocritique sur sa propre conviction. Et c'est ça qui conduit presque toujours à l'erreur judiciaire. C'est trop de conviction avec trop peu de preuves et pas suffisamment de recul. Le mauvais juge, c'est celui qui ne doute pas assez. Ah, comme l'avocat. Absolument. Vous pouvez douter. En tout cas, il faut douter au départ, même pour arriver à condamner. Mais bien sûr, je comprends. Vous êtes habile, hein, parce que dans votre livre, vous sortez une phrase et elle nous interpelle, on veut savoir. La vérité d'un homme, alors, ou d'une femme, hein, pour Maureen, c'est d'abord ce qu'il ou ce qu'elle cache. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Ah, c'est Malraux. C'est Malraux qui. Oui, mais c'est habile d'avoir repris ça. Parce que. Merci. Mais oui, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que je veux dire quelque chose de tout simple. Je n'aime pas les gens qui mettent tout sur la table. Et je crois que le plus profond de chaque être, vous, moi, Maureen, n'importe qui, n'est pas forcément ce qu'il y a de plus visible. Toute vérité n'est pas bonne à dire, en gros. Ça, c'est encore autre chose, mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Certainement pas. Pour moi, certainement pas. Qu'est-ce que vous avez voulu lancer comme message dans ce livre? J'ai voulu lancer comme message, ou plutôt dire, que j'étais profondément attaché au secret dans la vie privée, au secret professionnel, et que c'était une valeur, si c'en est une, qui se perd, qui est même considérée aujourd'hui avec beaucoup, beaucoup de distance. Et je crois que, si vous voulez, par exemple, dans une relation amicale, le respect du secret est quelque chose qui me paraît déterminant. Je peux pas être ami avec quelqu'un dont je ne sais pas que ce que je lui dis reste entre nous. Vous ne devez pas être très bien dans cette société contemporaine de dictature de la transparence, parfois. Je suis à la fois très heureux, mais pour d'autres raisons, parce que l'époque a aussi ses vertus, mais très, très, très dérangé par ça. Par ça. Très, très dérangé. Complètement à côté de la plaque, même, je vous dirais. Bah écoutez, je renvoie les auditeurs à la lecture de votre livre, Secret Défense. C'est bien le titre aussi, Secret Défense. Hein ouais. Ouais. C'est pas mal. Chez Gallimard. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, 4e épisode de la série Suspicion, une fiction écrite par François Luciani, réalisée par Cédric Ossir, émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Rebecca Denante et réalisée par Annelie Auro. Programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Guillaume Roux et Victor Ouvrard.